faire ses courses un samedi pour sortir la Marie. Mais si tu pars, n'oublie jamais ça, que je ne suis plus rien du tout sans toi. Sans tes petits doigts, boudiner qui courait sur moi. Comment veux-tu qu'à présent déchu, je puisse chanter la vertu? T'es pas le seul sur la liste à chanter des trucs tristes. Les oubliés, ceux qui sont même pas nés, les spermatos qu'on aurait gentiment remercié. Chante ce que tu veux, fais-nous des rimes de vieux, du verbe à l'aise, du costaud dans les mots. I'm just a gigolo. Quand t'écoutes la FM, y'a pas souvent ce que t'aimes, mais cette chanson, elle te colle à la peau. Elle sera programmée cette fois à la radio. Comme si ta tête absorbée comme une lingette, que tu seras absolument étonné d'en connaître les couplets. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hello.